12-13, affirmation, réciprocité. Mireille rencontre Robert dans la cour. Robert rencontre Mireille dans la cour, évidemment. Ils se rencontrent dans la cour. Notez que la forme réfléchie du verbe indique aussi la réciprocité.